climatisation est un élément de confort, mais aussi de sécurité dans les véhicules. Il faut toutefois savoir que celle-ci est gourmande en énergie, donc en carburant. Pour éviter de gaspiller, mais aussi pour éviter les chauds et froids et les maux de gorge, il est conseillé de régler la clim pour obtenir une température entre 4 et 5 degrés au-dessous de celle de l'extérieur. C'est suffisant pour avoir une bonne sensation de fraîcheur. Trois petits trucs à mémoriser pour consommer moins. Se garer à l'ombre quand c'est possible. Aérer la voiture avant de partir. Rouler avec les vitres fermées quand la clim fonctionne. Réponse